Le ciel d'hiver, le cocher. Le cocher, Auriga en latin, est une petite constellation, facilement repérable grâce à son étoile principale très brillante, Capella, d'une magnitude de 0,05, qui est une étoile parmi nos voisines les plus proches. Il faut seulement 42 ans à ses photons pour arriver dans nos rétines. Le cocher se trouve exactement au-dessus de la constellation d'Orion, surplombant les Gémeaux à gauche et le Taureau à droite. Traçons les lignes des constellations pour mieux figurer la forme presque circulaire du cocher, qui est en fait un hexagone. Rapprochons-nous maintenant de plus près pour débusquer les beaux objets qui peuplent le cocher. Vous verrez que les repérages sont aisés grâce à la forme simple de cette constellation hivernale. Nous y voilà, nous scrutons Capella, donc, pour commencer notre tour de calèche. Et juste à droite de Capella, vous voyez une étoile assez brillante, c'est Epsilon Aurigae. Epsilon Aurigae est une étoile géante et très particulière, parce qu'elle subit en fait des éclipses. Son éclat varie fortement à période régulière, car quelque chose d'encore plus gros qu'elle lui tourne autour, et on ne sait pas ce que c'est. La période d'éclipse est de 27 ans environ, sachant qu'une éclipse pour Epsilon Aurigae dure près de 2 ans. La dernière s'est finie en août 2011, alors rendez-vous en 2036 pour la prochaine. Maintenant que vous avez bien en tête la forme du cocher, nous pouvons faire un peu de géométrie. Je vous emmène voir un amas ouvert, nommé M38. Alors je rappelle qu'un amas ouvert, c'est un amas d'étoiles qui contient plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'étoiles, liées entre elles par la force gravitationnelle. Il vous suffit de tracer le segment reliant Theta Aurigae, sur le côté gauche en mettant Capella en haut, et Iota Or, sur le côté droit. Presque exactement au milieu de ce segment se trouve M38, qui est un très bel amas ouvert, où on peut voir des groupes d'étoiles qui peuvent sembler former comme des sortes de croix, plusieurs comme ça. Tout juste à côté de M38 se trouve un autre amas d'étoiles de type ouvert, c'est NGC 1907. Alors certes, plus petit que M38, mais bien dense pour un amas ouvert, et muni d'un oculaire à grand angle et un faible grossissement, c'est un pur ravissement de pouvoir voir les deux amas dans le même champ. Alors, poursuivons notre périple. Depuis le couple M38-NGC 1907, nous traçons un segment de droite pour rejoindre Iota Or, que nous avons déjà repéré précédemment sur le côté droit de l'hexagone. Là encore, nous nous arrêtons à mi-chemin et nous arrivons sur un objet très joli, une nébuleuse nommée IC-405. Cette nébuleuse est à la fois une nébuleuse en émission et en réflexion. C'est-à-dire qu'elle produit en elle-même de la lumière, et ensuite elle reflète également la lumière d'une étoile. En fait, elle entoure l'étoile bleue variable AE Aurigae, dont elle reflète la lumière. On appelle aussi cette nébuleuse la Flaming Star Nebula, ce que l'on peut aisément comprendre en la voyant. Allez, on redémarre, nous glissons lentement en restant parfaitement parallèle à la droite qui relie Iota Or et Alnat, le segment sud-est de l'hexagone, vous voyez. Dans ce mouvement parallèle, nous devons parcourir seulement un tiers de la distance du segment qui nous a donné la direction. Vous y êtes ? L'objet que nous visitons maintenant s'appelle IC-410. Il s'agit encore d'une nébuleuse en émission. Ces photons mettent, pour celle-ci, 12 000 ans pour nous parvenir. IC-410 a la particularité de contenir dans sa surface un autre objet, un amas ouvert, du nom de NGC 1893. Bien qu'on ait l'impression que l'amas d'étoiles est tapis au cœur de la nébuleuse, il est en fait situé en avant-plan, 2000 années-lumière en les séparent. Nous poursuivons notre route à partir de IC-410, en nous dirigeant vers la gauche, en direction de Theta Aurigae, qui orne le côté gauche de notre hexagone. Arrêtons-nous à mi-chemin, et descendons très légèrement. Stop ! Nous y sommes. Voilà M36. joli amas ouvert, un peu dans le même genre que M38, mais avec un peu moins d'étoiles, mais en revanche, un peu plus brillante, pour la plupart. Le cocher semble vraiment être la constellation des amas ouverts, on dirait. Alors, pour clore ce tour du cocher, nous allons admirer peut-être l'un des plus beaux amas ouverts du ciel d'hiver. Je veux mentionner M37. Le trouver n'est pas trop difficile. Depuis M36, nous devons traverser le segment qui relie Theta Aurigae et Alnat, en parcourant donc deux fois la distance qui sépare M36 de la droite. C'est simple, non ? On passe par-dessus la droite. M37 est un amas qui est vieux de 300 millions d'années. Il compte environ 150 étoiles, dont une bonne douzaine de géantes rouges. C'est d'ailleurs grâce à ces géantes rouges qu'on a su quel âge il avait. Il pourrait presque faire penser à un petit amas globulaire si on n'y faisait pas attention, tellement les étoiles y sont denses. Voilà, notre tour du cocher arrive à son terme. Nous n'avons pas rencontré de galaxie ce soir, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Le temps est venu d'aller nous réchauffer avant de partir à la découverte d'autres splendeurs du ciel d'hiver.